Nous avons donc, Anne-Laure, avant que tu discutes avec la maman de Manu, quand même un gros dossier. Gérard de Suren, qui est venu en furie à 22h30 avec deux tracks, qu'il a récupéré, un track exactement. Mm-hmm. Et à cette occasion, heureusement, j'ai deux avocats, ouais, qui m'entourent et qui travaillent, qui connaissent bien Gérard. Je leur en ai parlé il y a déjà 2-3 mois de cela. Ils ont étudié le dossier, ils ont voulu. Ils vont se présenter eux-mêmes. Bonsoir à vous. Bonsoir. Donc, je présente mon collègue, Maître Gravelax. Bonsoir. Et Maître Suffer pour moi-même. Voilà. Donc, nous sommes mandatés par FUN, ainsi la mairie de Paris. La mairie de Paris, l'assistance publique aussi, sur différents litiges qui opposent, je dirais, Gérard, à différentes personnes qui émettent des tracks, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, nous avons étudié le dossier, nous avons écouté plusieurs fois les bonnes annonces, je dirais, de Gérard et toutes ces interventions, on peut dire. Et donc, nous aurons des commentaires à émettre, Maître Gravelax et moi-même, concernant ce sujet. Oui, Maître Gravelax, oui. Oui, on a effectivement la preuve devant nous là actuellement, avec un track qui met en cause. Ah, tourne le micro, si vous voulez, tourne le micro vers voilà. Qui met en cause certaines personnes de Gérard. D'ailleurs, Gérard qui a le track sous les yeux et qui est en train de le montrer à ses avocats, qui l'ont, Anne-Laure, hein, les deux avocats l'ont. Ce qui serait, oui. Oui, moi ce que je propose c'est que Gérard mette les pieds dans le plat et puis lise le track. Oui, qu'il y aura de preuves de toute façon. Tout à fait, qu'il le lise et après donc nous discuterons, je dirais, des faits. Et des modalités. Exactement. Il faut savoir qu'on peut aller jusqu'à la cour martiale pour les faits qui sont appliqués. Alors attention. Hein. Donc il y a quoi? Il y a prison, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Une amende sévère, une prison peut-être? Je vais laisser parler mon collègue Maître Gravelax qui est spécialisé dans les peines. Donc on a étudié effectivement le code pénal à fond et là cet après-midi avec mon collègue Maître Suchard, et effectivement c'est 3 mois de prison, 500 000 francs d'amende et tu vois, donc ça peut aller très très loin effectivement. Okay. Alors justement Gérard, maintenant que les gens savent bien que c'est pas de la blague, il y a vraiment deux personnes qui travaillent sur ce dossier et qu'on ira jusqu'au bout. Tout à fait, on est là pour ça, on est là pour défendre Gérard. Les droits de Gérard. Disons déjà bonsoir à tous pour commencer. Donc bonsoir Manu, bonsoir Fildar, bonsoir Rigaud, bonsoir Max et donc bonsoir à vous maître, et bonsoir madame la mère à Manu. Donc je suis arrivé, il était 22h30, disons 22h. Donc il y a une personne qui m'interpelle juste devant la radio en me disant comme quoi que il y avait ça qui était mis sur la voiture. Donc moi j'ai fait le tour. Donc moi j'en ai jamais déjà pas vu sur les Champs-Élysées. Donc ce qui m'a étonné c'est que ça soit mis parce que tu l'avais annoncé depuis hier comme quoi que je venais de un peu plus longtemps. Oui. Mais ce que j'ai pas compris c'est comment que ça se fait que la personne les a retirés des voitures alors que sur la voiture j'en ai vu aucune. Alors donc peut-être lire, non? Peut-être mettre les avocats, non? Oui, ce que je pense, c'est que Gérard, vous peut-être lire un peu, je dirais... Même la totalité. La totalité du track, comme si bien. Non, faut tout lire. Là, c'est la transparence. Hein. Non, sauf... la transparence. Sauf les trois parties que j'ai signalées... Oui, mais il faut quand même les exposer aux auditeurs. Oui, parce qu'il y a des adresses. Ça, c'est obligé, oui. Non, parce qu'il y a deux trucs que je veux pas lire, et ça concerne le problème avec Sandy, donc je veux pas. Si vous voulez, on peut les lire. C'est notre métier. Écoutons. Alors Gérard va parler. Attention, silence. On arrête le standard. On va demander une concentration totale. Donc déjà, il y a le premier papier. Si tu pouvais me mettre un petit peu de son, s'il te plaît. Je suis à fond là. C'est peut-être parce que je suis à fond dans les deux. Moi. T'es à fond là? Moi, je suis à fond et j'ai rien du tout là. Ah bon, alors il y a peut-être encore un problème de la fois d'avant. Et là? Là, ça va dire un D'accord, peu mieux. Voilà. Alors. Et donc, il y a un truc qu'on a du mal à lire parce que ça a été, disons, j'arrive à le lire avec la lumière, c'est le seul site web officiel. Attends. On va faire. Ouais, non, mais pas trop quand même parce que. Ouais. Ça a éblouit quand même. Alors. Donc, il y a marqué dessus le seul site web officiel en collaboration directe avec Gérard de Suren et Sandy, le Kleps Mystère, par Perfouras et Fesses de Babouin. Alors donc, ces deux-là, ils commencent à me les gonfler. Donc, Rigo, ce soir, je ne veux pas entendre parler de Perfouras et Fesses de Babouin parce que, de toute manière, ils sont régulièrement sur lors des débats. Tu peux les kicker ou pas? On peut les kicker, ouais. D'accord. Ben, de toute manière, on va s'amuser avec eux parce que. Tenez-vous-en sur vos gardes. Donc, découvrez sur ce magnifique site des heures de débat de merde, des conseils bidons donnés par des poivrons, des vidéos de gros gueulards ou autres, du jamais vu sur l'internet multimédia, interactif, objection. Interactif. Et bientôt sur une interview exclusive, des plus gros, alors des plus gros ploucs de quoi, des plus gros ploucs de Paris. De Paris. Ouais. Si ça avait écrit mieux que ça sur une imprimante, ça serait mieux. Donc Gérard et Sandy ont accepté de nous confier tous sur leur vie privée, alors que c'est faux, leur habitude, leur délire, leur pratique sexuelle, donc ça c'est faux. Statologique. Scatologique, zoophile. Alors ça, de la zoophile, de toute manière, j'ai jamais pratiqué comme ça. Si elle comment touche à câlin. Taylor, toi, tu vas te prendre un sac à main dans... Pas un sac à main. Non, mais tu vas t'en prendre une tout à l'heure, ça va te faire tout drôle. Attends, pour les avocats, c'est important, Gérard. Attention, Gérard, ne vous énervez pas. Toi, ça va te faire tout drôle parce que quand tu lis du courrier à l'antenne Gérard, comme ça, Gérard, ça m'énerve. Gérard, on est là pour d'accord. Vous. Ne vous mettez pas à dos, nous. Alors, comment vivre avec 1 euro par mois? Donc ça, c'est parce que tu as été fouillé dans les poches à Maxime, quoi. Donc ça. On peut rappeler, maître Gravelax, on peut rappeler le cours de l'euro? 6,52, je crois. Non, 6,55, 9,57, merci. Voilà. Continue, Gérard. Alors, expliqué par Gérard, les recettes de cuisine à base de rats crevés. Ramassé dans les caves des hospices, et description du corps d'Henri. Du petit corps. Du petit corps d'Henri par Sandy, la jouisseuse du 15e. Alors, un conseil que je donne. Ah, vous n'avez pas fini, il y a aussi l'adresse internet que l'on peut spécifier. Alors, W, de toute manière, on est dessus. On est dessus, Max, si tu pouvais regarder. Et ça, je voudrais bien que ça soit retiré du site internet. Donc on c'est. Peut pas. Attends, la question que je pose à Rigaud. Est-ce que tu peux kicker le site? Alors malheureusement, je peux pas. Mais tu peux faire quelque chose, je peux faire appel aux autorités compétentes. Ah bah ça c'est. Non mais ça, moi de toute manière, c'est simple. Ça va être clair. Ce soir, je préviens, on fait la nuit marathon, mais là maintenant, hein? Non mais Max. Max, tu rigoles. Non mais Max, tu rigoles pas moi. Moi, je ne rigole pas là-dessus. Avant. C'est ma vue privée. Avant. Alors ma vue privée ne regarde personne. Excite pas tout ça. Non, mais ça, j'en ai rien à foutre. C'est quoi ce site-là? Calmez-vous, Gérard. Scandale. Hein, nous sommes là, quand même. Alors ça, de toute manière, je vais les garder. Ah, mais attends, ça va. Non, mais moi... On met son dossier, hein. Non, mais moi... Parle devant ton micro. Moi, de toute manière, ils en ont un exemplaire. Moi, j'en ai récupéré je sais pas combien. Hein. Donc, un conseil que je donne, c'est on fait une marathon et après, pour la fin du mois, ça sera niette. On avait prévu quelque chose. D'ailleurs, faut bien retirer les dossards, hein. Ouais. N'oubliez pas les gars. Alors on avait prévu quelque chose pour. Attends, on mélange tout là. Oh là là. Calme-toi parce que là ils sont et t'as de la chance d'avoir deux avocats. Non mais attends, tu crois que je vais me calmer alors qu'on parle de Sandy, on parle de ma vie privée. Alors qu'est-ce qu'on peut dire les avocats? Maître Gravelax, je vous laisse la parole. Je crois qu'on est en face d'un fait effectivement qui. Oui, je vous écoute parce que vous écoutez pas mal. Ah d'accord. Okay. Donc. Pardon, Gérard. Alors écoute. Donc effectivement, on met en avant votre vie privée, à la fois sexuelle, scatologique, zoophile. Bon, c'est vrai que c'est quand même des réprimandes assez dures, quoi, je veux dire. Donc les personnes qui ont fait ça, effectivement, peuvent passer, je pense, devant une cour martiale. Hein, mais si s'arrête. Donc, peut-être qu'on pourrait s'adresser directement aux futurs petits cons qui voudraient eux aussi s'amuser à faire comme eux. Ah oui, et les prendre comme exemple de les menacer, peut-être, non? Ah oui, tout à fait. Non mais aussi il faut spécifier aussi qu'on met en cause aussi les hospices. Prenez le micro. Ouais. Les hospices. Donc je cite la 16e ligne du track. Comme quoi donc les recettes de cuisine à base de rats crevés ramassés dans les caves des hospices. Donc étant mandaté par l'assistance publique, ça peut aller très très loin. Alors les personnes qui font ça, attention. Effectivement, on vise aussi les hospices hein, de l'assistance, hein, comme quoi il y aurait effectivement des rats qui traîneraient dans les cuisines. Hein. Ça va très loin donc. Parce que là, nous avons le même cas pour le service gériatrie, où on a de gros soucis, donc là, ça, bon, je comprends Gérard. On en parlera dans un instant, Gérard et puis Anne-Laure, vous inquiétez pas, et puis après tout le monde va venir s'installer dans le micro. On fait une pause. C'était donné, toi. Qu'est-ce que tu vas donner en 12 mois? Y'a rien. Qu'est-ce que tu donnes là en 12 mois? Y'a rien. En 12 mois. Un document à mettre au dossier, tout simplement. Calmez-vous, monsieur Gérard. Nous sommes en train d'étudier actuellement. Eh, Fildar, j'ai déjà prévu que maintenant tout mon courrier, tu le donnais pas sans que je sois là. Alors dans ces cas-là, je dois le lire en premier, d'accord? Bah oui, c'est les avocats. Ouais, ouais. Il a cru bien faire en le donnant aux avocats, ah oui. Gérard, là, pour une fois, il a bien voulu faire les choses. Fais bien gaffe à toi, toi. Faudrait le lire. Hein. Ouais, voilà. Non, mais c'est énorme. Tu risques de mal finir derniers mois. Non, mais calmez-vous, Gérard. Bon, alors, il y a ce deuxième trac en question. Ça n'a rien de s'exciter. Non, alors, ce document, on va le lire calmement en direct, parce qu'il faut que ça serve de preuve dans un instant. On va faire une pause, parce qu'on est obligé. On revient avec Anne-Laure. Et la nuit marathon, on va continuer. Et à partir de, après ce problème de lire, on va lire ce track, à source, c'est dans 3-4 minutes. Après la pause pub, on revient directement avec ce problème de track discuté par ces deux avocats qui sont là pour aider Gérard. Et de toute façon, le dossier maintenant est parti. La machine est lancée. La machine justice est lancée. Tout à fait. Et on ne pourra plus reculer. La loi est la loi. Et il faut la suivre, et quand elle n'est pas respectée, eh bien c'est réprimandé, ça peut aller jusqu'à du prison. On a dit trois mois ferme, oui. Et c'est de toute façon c'est martial. Hein. Et c'est le minimum. On pense réfléchir sur le fait que sur chaque track distribué, il y a des royalties pour Gérard, mais ça on sait pas. Au moins, voilà, le droit à l'image, c'est normal. Donc ne bougez pas, on revient dans un instant avec en exclusivité donc ces deux avocats qui sont là pour défendre les intérêts de Gérard, pour vous mettre la pression à vous qui vous amusez sur le dos de Gérard et sur son image. Croyez-moi que ça ne se passera pas comme ça, alors on parlera avec Monique, donc la maman de Manu, et viendront s'installer à mes côtés, deux animateurs de la radio, ils sont tous là derrière. Il y a beaucoup de gens dans les studios ce soir, je crois qu'il y a plus de monde ce soir dans les locaux que dans la journée, ce qui vous prouve que ce soir c'est tenu marathon. Est attendu aussi bien de votre côté que en interne, ce qui fait plutôt plaisir. Appelez-nous jusqu'au bout de la nuit, comme le dirait si bien Tourtel, 0803 08 5000.